Toca la sorpresa, cani, que tú la niza cada once, tú la suave. Así, saca su que el endro. Tu peux monter ton piano? Sakazuke toute l'année, Saka danser aussi, Saka niquer toute l'année, et vendre au junior au piano. Il aime pas le zouk, alors il s'est barré. Il aime pas le zouk, toute la nuit il s'est fait chier. Alors il est revenu, je crois qu'il n'aime pas le zouk. salsa.